De ma fenêtre, je vois un parc, des arbres géants et magnifiques. Je vois les beaux oiseaux s'envoler. De ma fenêtre, j'aimerais voir la mer, l'allure bleue de la mer. Dans mon lit, je songe à mon passé, je songe à ma mère. Je garde dans mon tiroir mes souvenirs quand j'étais partie à la montagne. Je garde ces souvenirs. De mon tiroir, je jette les mécontentements, les idées abandonnées. Du monde, j'espère le bonheur. Du monde, je rejette la colère, je rejette le racisme, je rejette la méchanceté. Je me souviens de mon enfance, quand j'étais partie en vacances, j'avais 3 ans. Je me souviens des vacances de l'année d'avant, quand je suis partie dans un camping. De ma fenêtre, je vois les maisons. De ma fenêtre, je vois un coucher de soleil avec des nuages. De ma fenêtre, je vois des rues désertes. De ma fenêtre, j'aimerais voir des personnes passer. Dans mon lit, je songe au ciel étoilé. Je songe au futur, à un monde meilleur. De mon tiroir, je jette mes feuilles. Du monde, j'espère une guérison. Du monde, je rejette la pollution, ce manque d'hygiène. Du monde, j'espère une population enchantée. Je me souviens de ma meilleure amie. Je regrette de ne pas avoir profité plus d'elle. Je n'ai pas eu le temps de profiter d'elle. De ma fenêtre, je vois des bus, des travaux. De ma fenêtre, j'aimerais voir une piscine, j'aimerais voir des palmiers, une plage, la mer avec un coucher de soleil. De ma fenêtre, j'aimerais voir mon pays. De mon lit, je songe à manger des sushis. De mon tiroir, je jette des livres, quelques livres d'enfants. Dans mon tiroir, je garde les moments partagés. Du monde, je n'espère rien. Du monde, j'espère que tout le monde est content. Du monde, je rejette la cruauté, la méchanceté. De mon tiroir, je jette ce virus. De mon tiroir, je jette une partie de mes vêtements et des bijoux. De mon tiroir, je jette les cauchemars que j'ai faits pendant mon enfance. Du monde, je rejette les mauvaises choses, tout ce qui n'est pas bon pour l'être humain. Je me souviens de mes débuts parfumés où l'on s'était rencontrés. Je me souviens de tout ce que tu m'as apporté. Je me souviens également de ce que tu m'as raconté, que je n'oublierai jamais. Dans mon tiroir, je garde des cartes d'anniversaire. De ma fenêtre, je vois le beau ciel bleu. De mon lit, je songe à de beaux rêves. Dans mon tiroir, je garde mes anciens dessins. Je me souviens des anciennes années, de la pluie, du passé. De mon lit, je songe à mon avenir. Dans mon tiroir, je garde tous mes cadeaux, les objets précieux. J'espère qu'il n'y aura plus le Covid-19. De mon lit, je songe à ma vie de demain, ou en général. Si j'avais pu faire ci, si j'avais pu faire ça. Du monde, j'espère qu'il y aura la paix, avec plein de verdure. De ma fenêtre, j'aimerais voir un champ de blé. Du monde, j'espère qu'il s'améliorera. Je me souviens de tous les bons moments passés avec la famille, les fêtes de Noël, j'avais plein de cadeaux. Je me souviens de ces villes joyeuses, je me souviens de ce confinement, je me souviens de ces absences de cours, et je me souviens qu'on m'a promis un monde meilleur.